إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله في السر والعلن وإياكم والأمن من مكره والقنوت من رحمته واعملوا كل سبب يوصلكم إلى رضوانه ويقربكم من جنته ويباعدكم عن ناره فإن رحمة الله قريب من المحسنين سيرفيتور الله je vous enjoins ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala craignez donc Allah en privé et en public et prenez garde à ne pas vous sentir à l'abri de sa ruse et à ne pas désespérer de sa miséricorde et accomplissez toute cause qui vous mène à son agrément qui vous rapproche de son paradis et qui vous éloigne de son feu car certes la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون Oh vous qui croyez, craignez Allah et que chaque âme regarde bien ce qu'elle a avancé pour demain. Craignez Allah car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a alors fait oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. واعلموا أيها المسلمون أن من أعظم ما يتقرب به العباد إلى الله ربهم وأوصلهم المنازل العالية وهذب نفوسهم وأخلاقهم ورقق قلوبهم وعف عن الحرام فروجهم وألسنتهم عبادة الصيام عبادة الصيام تلك العبادة التي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأنها كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمية ضعف قال الله سبحانه وتعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي بي يضع شهوته وطعامه من أجلي Oh musulmans, sachez que parmi les choses les plus immenses qui rapprochent les serviteurs de leur Seigneur, qui les mènent à des degrés éminents, qui éduquent leurs âmes et rectifient leur comportement, qui attendrissent leur cœur, qui préservent leur partie intime et leur langue de l'illicite, on compte l'adoration du jeûne. L'adoration du jeûne, cette adoration au sujet de laquelle il est authentifié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet, toutes les œuvres de l'enfant d'Adam sont décuplées, la bonne action en vaut 10 semblables. La bonne action en vaut 10 semblables à elle jusqu'à 700. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, selon la traduction des sens rapprochés dans le hadith al-Qudsi, sauf le jeûne, il m'appartient certes et c'est moi qui en donne la rétribution. Il, c'est-à-dire le serviteur délaisse ses désirs et délaisse sa nourriture pour moi, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa thabata an Abi Umama radiyallahu ta'ala anhu annahu qala li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam murni bi amalin la'alli adkhulu bihi al-janna faqala 'alayka bis-sawm 'alayka bis-sawm fa innahu la mithla lahu fama kana yura Abu Umama wa la mara'atuhu wa la khadimu illa siyama fa kana idha ru'ya fi darihi dukhan bin-nahar قيل احتراهم ضيف. Et il est confirmé d'Abi Humama, qu'Allah l'agrée, qu'il a dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, « Ordonne-moi une œuvre par laquelle j'entrerai au paradis. » Ordonne-moi une œuvre par laquelle j'entrerai au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit, je t'enjoins le jeûne car il n'a pas d'équivalent. Je t'enjoins le jeûne car il n'a pas d'équivalent. Après cela, on ne voyait Abu Umama ainsi que sa femme et son servant qu'en état de jeûne. Lui, sa femme et son servant n'étaient qu'en état de jeûne. Et si l'on voyait de la fumée dans leur maison durant la journée, les gens disaient alors, ils reçoivent un invité. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حذيفة من ختم له بصيام يوم يريد به وجه الله عز وجل أدخله الله سبحانه وتعالى الجنة. D'après Hudhayfa, qu'Allah l'agré, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Oh Hudhayfa, celui dont la dernière œuvre est une journée de jeûne par laquelle il recherche le visage d'Allah, Allah le fera entrer au paradis. » Allah le fera entrer au paradis. Ibad Allah, innakum ala makrubatin min shahri Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Wa antum al-an fi shahri Sha'ban. Wa ma adraakum ma shahru Sha'ban. Innahu shahrun turfa'u fihi a'malu al-ibad ila Allah rabbihim subhanahu wa ta'ala. Fa'anihan liman rufi'at lahu fihi a'malun salihah. فقد ثبت عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت يا رسول الله رأيتك تصوم في شعبان صوما لا تصوم في شيء من الشهور إلا في شهر رمضان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجاب وشهر رمضان ترفع فيه أعمال الناس فأحب أن لا يرفع لي عمل إلا وأنا صائم سغفتغ الله. Vous approchez certes du mois de Ramadan et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire atteindre le mois de Ramadan. Et vous êtes maintenant dans le mois de Sha'ban. Et qui vous dira ce qu'est le mois de Sha'ban? C'est un mois durant lequel les œuvres des serviteurs sont élevées à leur Seigneur. Les œuvres des serviteurs sont élevées à leur Seigneur. C'est donc un grand bien pour celui dont des œuvres pieuses sont élevées. Et il est confirmé d'Oussama ibn Zayd, qu'Allah l'agré, qu'il a dit « Ô messager d'Allah, je t'ai vu jeûner durant Sha'ban d'une façon dont tu ne jeûnes durant aucun autre mois en dehors du mois de Ramadan. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit « Cela est un mois au sujet duquel les gens sont insouciants. » Cela est un mois au sujet duquel les gens sont insouciants entre Rajab et le mois de Ramadan. Les œuvres des gens sont élevées durant celui-ci et j'aime qu'aucune de mes œuvres ne soit élevée si ce n'est alors que je jeûne. Si ce n'est alors que je jeûne. « Wa saha an Aisha radiallahu ta'ala anha » أنها سهلت عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ولم أراه صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا. Il est authentifié que Aïcha, qu'Allah l'agré, fut interrogée au sujet du jeûne du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et elle a dit « Je ne l'ai jamais vu jeûner durant un mois plus que son jeûne durant Sha'ban. Il jeûnait Sha'ban presque en entier, sauf quelques jours. فبادروا عباد الله إلى الاقتداء بنبيكم صلى الله عليه وسلم وذلك بالصيام في شهر شعبان والإكثار منه حتى ترفع أعمالكم إلى ربكم وأنتم صائمون. Empressez-vous donc, serviteurs d'Allah, à prendre exemple sur votre prophète صلى الله عليه وسلم, et ce en jeûnant durant le mois de Sha'ban et en multipliant le jeûne afin que vos œuvres soient élevées vers votre Seigneur. Alors que vous jeûnez, عباد الله, لقد تكاسل وتشاغل أكثر عن صيام شعبان وعن صيام النافلة عموما رغم ما ورد في شأنه من الأحاديث الكثيرة المرغبة فيه والمبينة لثماره الجليلة وما فيه من الحسنات الكثيرة والأجور الكبيرة التي تنفع العبد في دنياه وأخرى. ولما كانت النفس تتشوق لما له فضائل فأذكر في الخطبة الثانية إن شاء الله تعالى جملة من فضائل صيام النافلة بإذن الله تعالى. Serviteur d'Allah, la majorité d'entre nous est pris de paresse et s'est détourné du jeûne surérogatoire, malgré ce qui est rapporté à son sujet comme nombreux hadiths y encourageant et clarifiant ses nobles fruits, ainsi que ce qu'il comporte comme nombreuses bonnes actions et grandes récompenses qui profitent aux serviteurs ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Et comme l'âme a habitude de convoiter ce qui est doté de mérites, je vais évoquer dans le deuxième sermon quelques mérites du jeûne surérogatoire par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله، فمن هذه الفضائل أن الصيام من أسباب تكفير الذنوب، حيث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. On compte donc, serviteur d'Allah, parmi les mérites du jeûne surérogatoire qu'il fait partie des causes d'expiation des péchés. En effet, il est authentifié du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit: les péchés de l'homme à l'égard de sa famille, de ses biens et de son voisin sont expiés par la prière, le jeûne et l'aumône. Wa min hadhihi al-fada'il annahu min asbab al-bu'd wal-'iffati 'an al-haram. حيث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا محشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. Et on compte parmi ses mérites qu'il fait partie des causes pour s'éloigner et se préserver de l'illicite. En effet, il est authentifié du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit: « Oh vous les jeunes, quiconque parmi vous a les capacités, alors qu'il se marie, il sera plus à même de baisser le regard et de préserver ses parties intimes. Quant à celui qui n'en a pas les capacités, alors qu'il jeûne, car le jeûne sera pour lui une protection. » ومن هذه الفضائل عباد الله أنه يصد يوم القيامة النقص والخلل الذي وقع من صاحبه في صيام الفريضة، حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظر هل لعبد من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على نحو ذلك. On compte également parmi ses mérites qu'il comblera au jour de la résurrection le manque et la déficience de son auteur dans le jeûne obligatoire. En effet, il est confirmé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, la première chose sur laquelle le serviteur devra rendre des comptes au jour de la résurrection parmi ses œuvres est la prière. Si elle est correcte, il aura alors réussi et obtenu le succès. Et si elle est corrompue, il aura alors certes échoué et perdu. Et si sa prière obligatoire est déficiente, le Seigneur dira alors: regardez si mon serviteur a accompli des prières surérogatoires. On complétera alors avec cela la déficience de sa prière obligatoire et il sera fait de même pour toutes ses œuvres et parmi ses œuvres, le jeûne. ومن هذه الفضائل عباد الله أنه من أسباب نيل محبة الله سبحانه وتعالى حيث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعتين، ولئن استعاذني لأعيذن. Et on compte parmi ses mérites qu'il fait partie des causes pour obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, il est authentifié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a certes dit dans le hadith al-Qudsi, selon la traduction des sens rapprochés: mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose que j'aime plus que par ce que je lui ai prescrit. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je suis alors son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main avec laquelle il touche et son pied avec lequel il marche. S'il me demande une chose, je lui donnerai. Et s'il cherche refuge auprès de moi, je lui accorderai. فانظروا هذه الفضائل العظيمة رحمكم الله واجتهدوا في تحصيلها وفي إحياء سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم بالصيام في هذا الشهر الذي يغفل عنه كثير من الناس وترفع فيه أعمالكم فصوموا فيه ما استطعتم حتى ترفع وأنتم صائمون. Observez donc ces mérites immenses, aux serviteurs d'Allah, qu'Allah vous fasse miséricorde, et faites des efforts pour les obtenir et pour faire vivre la sunna de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam en jeûnant durant ce mois au sujet duquel la plupart des gens sont insouciants et durant lequel vos œuvres sont élevées. Jeûnez donc autant que vous pouvez afin qu'elles soient élevées alors que vous jeûnez. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. الدين والحمد لله رب العالمين.